1 Corinthiens chapitre 6. Quand quelqu'un d'entre vous a une affaire contre un autre, ose-t-il bien aller en jugement devant les iniques, et il ne va pas devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Or, si le monde doit être jugé par vous, êtes-vous indigne de juger des plus petites choses? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus donc devons-nous juger des choses qui concernent cette vie? Si donc vous avez des procès pour les affaires de cette vie, prenez pour juge ceux qui sont des moins estimés dans l'Église. Je le dis à votre honte. N'y a-t-il donc point de sage parmi vous, non pas même un seul qui puisse juger entre ses frères? Mais un frère a des procès contre son frère, et cela devant les infidèles. C'est même déjà un grand défaut en vous, que vous ayez des procès entre vous. Pourquoi n'endurez-vous pas plutôt qu'on vous fasse tort? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt du dommage? Mais au contraire, vous faites tort, et vous causez du dommage, et même à vos frères. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous trompez point vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui commettent des péchés contre nature, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs, n'hériteront point le royaume de Dieu. Et quelques-uns de vous étiez tels, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés, au nom du Seigneur Jésus, et par l'Esprit de notre Dieu. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne conviennent pas, toutes choses me sont permises, mais je ne serai point assujetti sous la puissance d'aucune chose. Les viandes sont pour l'estomac, et l'estomac est pour les viandes, mais Dieu détruira l'un et l'autre. Or le corps n'est point pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Ôterai-je donc les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? À Dieu ne plaise. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit avec une prostituée, devient un même corps avec elle, car deux, est-il dit, seront une même chair. Mais celui qui est uni au Seigneur, est un même esprit avec lui. Fuyez la fornication. Quelque autre péché que l'homme commette, il est hors du corps, mais le fornicateur pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps, est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes point à vous-même. Car vous avez été acheté par prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps, et en votre esprit, qui appartiennent à Dieu.